pas les masques. Dans le miroir de son ego, Narcisse se noie. Un reflet trompeur, un selfie de joie. Elle est le soleil et lui l'ombre qui s'efface. Dans la danse cruelle, il perd sa place. Aïe aïe aïe. Il offre son cœur, elle indifférente, manipule avec grâce, persuasivité, l'attente. Lui, naïf et pur, à l'amour sincère, elle, égocentrique, à cœur de pierre. Dans ses yeux, l'univers de moi, chaque geste, chaque parole, une loi. Il se prend dans le labyrinthe de son narcissisme, cherchant en vain un soupçon d'altruisme. Ah, le pauvre. Mais si les rôles s'inversent, et que se passe-t-il? Lui, le manipulateur, et elle, le profil fragile. Il joue de son charme vicieux et sadique. Et elle, innocente, devient sa proie unique. Dans ce jeu de pouvoir, qui est le plus fort? Le cœur sincère ou le narcissique sans remords? L'empathique et la bonté sont-elles perdues dans ce monde égoïste qui est vraiment cru? Ah, peut-être qu'un jour le miroir se brisera et la vérité comme un soleil éclatera. Que l'amour sincère triomphera de l'obscur et que la sincérité purifiera le futur. Purifiera le futur. Prenez garde, mesdames, aux reflets trompeurs, aux charmes venimeux des séducteurs. Dans le jardin des cœurs, les narcissiques rôdent avec des mots doux, mais des intentions torrides. Eh, sordides aussi. Hein. Ils vous promettent la lune, mais c'est un piège. Leur amour est un théâtre, et vous, la scène. Ils vous bâtissent des palais de miroirs pour mieux vous perdre dans leur histoire. Pour mieux vous perdre dans leur histoire. Leurs selfies, leurs gestes, tout n'est qu'illusion. Ils vous drainent de votre passion. Ils se nourrissent de votre empathie et vous laissent vide et sans vie. Mais soyez forte, ne cédez pas à la peur. Votre valeur dépasse seule leur. Reconnaissez les signes, les manipulations et échappez à leurs tentations. Votre cœur mérite la sincérité, un amour pur, sans duplicité. Cherchez celui qui vous voit vraiment, qui aime sans artifice, simplement. Soyez prudente, mais restez ouverte. L'amour véritable n'est pas une quête déserte. Il existe des hommes bons, des âmes sincères, qui vous aimeront sans frontières. Wow. Ah, c'est pas les masques.